Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 7. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. التمارين اليوم الأول عجيب الأسئلة الآتية البوكة سوفيونت أي سورة حفظ سعيد كل سورة موزي سعيد سعيد حفظ سورة الرحمن نعم ثانيا كم آية من سورة النبأ حفظت مريم combien de versets dans la sourate an-Naba Maryam a-t-elle mémorisé حفظت 16 آيات نعم على موزي 16 verset ما اسم المجلد التي قرأتها مريم في المكتبة بأي لغة هي donc quel est le nom du magazine que Maryam a lu dans la bibliothèque et en quelle langue est-il اسمها الإسلام هي باللغة الإنجليزية نعم s'appelle الإسلام il est en langue anglaise من ليلى هي الخادمة. الجمل الصحيحة والعلامة الصليب أمام جمل غير صحيحة. ما فرحة المدرس بسعيد. donc l'enseignant n'a pas été content de Saïd. خطأ. نعم. مريم جوعا. مريم فاهم. صحيح. خرجت مريم من مدرستي بعد صلاة الظهر. sortie de l'école après صلاة الظهر. صحيح. سورة الرحمن أطول من سورة الحديد. خطأ. نعم. سورة الرحمن n'est pas plus longue que celle du Hadid. آمنة وفاطمة والسعاد زميلات مريم. صحيح. نعم. ثالثا هذه أسئلتنا. هذه من الأسئلة الآتية. وهذه أسئلة كما ذكرنا ليست مبنية على الدرس. donc répond question suivante à savoir qu'elles n'ont pas de lien avec le texte. أذهبت إلى المدرسة اليوم. as-tu été à l'école aujourd'hui؟ لا ما ذهبت إلى المدرسة. طيب. متى رجعت من المدرسة؟ quand es-tu revenu de l'école؟ tu aurais dû dire نعم. رجعت بعد صلاة العصر. نعم. أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ quelle سورة as-tu lu après صلاة الفجر؟ قرأت سورة النون. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ كل سورة أتي ميموزي cette semaine؟ حفظت سورة الملك. j'ai mémorisé سورة الملك. بالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الحار؟ est-ce avec de l'eau chaude que tu as lavé ton visage ou avec de l'eau froide؟ غسلته بالماء. غسل. غسلته بالماء البارد. نعم، je l'ai lavé avec l'eau froide. سادسا من غسل قميصك ومنديلك؟ كي لابي تون قميص اي تون مشوار؟ انا غسلتهم. لا، كيف تاكلهم لقميص ومنديل؟ انا غسلتها. نعم، غير عقل. ثم قلنا في شيء اخر. فالكوبي الشيخ ولا المورب طيب والثاني عشر اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام التي في بالحروف donc les ce qui suit écrit يعني tu dois écrire avec les chiffres en lettres كم سنك quel âge as-tu سني تفضل أجيب عفوا انت اقرب الحركات فمغير الحركات كما تم هاتي اسئله مناسبه للاجوبه الاتيه دونك دون question suivante donne plutôt une question en réponse suivante. Donc on a des questions, il faut mettre la réponse. Faut mettre la, on a la réponse, il faut mettre la question. Awalen, naam, shalibtu. Oui, j'ai bu. Fama wasuel. Shalibta. Naam. Thanyen, naam, katabtu. Oui, j'ai écrit. Ma wasuel. Akatabta. Naam. Thalisan, bala, ra'aytuhu. En effet, je l'ai vu. Ma wasuel. Ama ra'ayta al-qamar. Naam. Rabi'an, naam, ma qara'tu hadha al-kitab fi al-baladi. En effet, je n'ai pas lu ce livre dans mon pays. أقرأت هذا الكتاب؟ لا. لابد من سؤال بعمل. أما قرأت هذا الكتاب؟ نعم. خامسا بلا سمعت الأذان. سي j'ai entendu l'adhan. أما سمعت الأذان؟ نعم. سادسا لا ما سمعت الأذان. Non, je n'ai pas entendu l'adhan. أسمعت الأذان؟ سابعا لا ما ضربت هذا الولد. Non, je n'ai pas frappé cet enfant. Non. Fanouid, il est Sani Achar. Fanouid, il est Awel. Kem Sinnouka. Quel âge as-tu? Sinni Tisa Acharata Sanatan. Non. Korana. Oh, un taïkrol, je m'en coule là. Korana Arba Acharata. صفحة من هذا الكتاب. نعم، nous avons lu 14 pages de ce livre. ثالثا. في هذه الحافلة. حافلة. الحافلة 18 راكبا وخلفهم 15 راكبا راكبة. نعم، les dans ce bus 18 passagers, c'est-à-dire hommes, et deux derrière eux, 15 passagers femmes. Rabi'an. Hada al-funduq, hada funduqun saghirun fihi ithnata asharata ghurfatin faqat. Ghurfa ايش? Ghurfatin. Ghurfatin. ما حكم المعدود؟ مثل الجمل الأخرى لماذا دي تبي كتلة من مجرور؟ غرفتان أيوة منصوب عثمان أيوة خامسا عثمان له 11 أبناء ابنان واثنتا عشرة بنتان نعم أنا حفظت. عفواً أبا طويل الحظ. عثمان 11 garçons et 12 filles. طيب سادسا. أنا حفظت 13 سورات. نعم. J'ai mémorisé 13 سورات. سابعا. في هذا المستشفى 19 طبيبا و 17 طبيبة. نعم. Il est dans cet hôpital 19 médecins hommes et 17 مش سافم. ثامنا قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. Nous avons lu aujourd'hui 18 mots nouveaux. تاسعا هذا القلم 14 روبية. طيب. Donc ce stylo est de 14 roupies. عاشرا في هذه العمارة في هذه العمارة دي 16 شقات. شقات. شقات. نعم. il y a dans cet immeuble 16 appartements. 11. في هذا الفصل 20 طالبا. نعم. il y a dans cette classe 20 étudiants. طيب 13 كذلك صح؟ نعم. اكتب الاعداد من 11 الى 20 واجعل كل من الكلمات الاتيه تمييزا لها donc écris les nombres de 11 à 20 en mettant les mots qui suivent comme vient le tamiz انت فوق تقرا تورتيني tu mets le numéro le nombre 13 et après le mot طيب تفضل. 13 طالبان. لا قد في كلمة قبل قد طالبة في كلمة كتاب. نعم ما عندك؟ سي سي عندي ولكن غلط فيه. طيب نسيت. 13 كتابان طالبان دقيقتان سيارتان. لا لا لا لا بعض كتاب ايش عندك الان لابد ان تغير بعض وضوء النفاء وبعض وضوء الذكاء. Tu me mets juste 13 pour chacun d'entre eux, tu me dis comment tu dis 13. Kitab toi-même. Alors, daqiqatan. Qabl. Qui est ça? Taliba. Oui, talibatan. Naam. Qu'est-ce que tu as dit? 13 étudiantes. 13 ashrata. Naam. Talibatan. Naam. Ah, parce que moi, en fait, j'ai classé d'abord les féminins et après, j'ai mis les masculins, tu comprends? Taliba. Daqiqa. دقيقتين. كيف تقول؟ 13 دقيقتين. نعم. يوم. ثلاثة عشر يوما. نعم. سيارة 13 سيارة. نعم. رجل. ثلاثة عشر رجلين. سنة. 13 سنة. قرية. ثلاثة عشرة قرية. طالب. 13 طالبا. نعم أحسنت. نعم أنا هات ما معنى هات؟ درج. نعم درج أبورت. طيب أيضا ما معنى ظن؟ فرنسي. نعم فرنسي. ما هو جم غضبان؟ غضبانون ها؟ غضبان تقولهم غضبانون؟ لا كيف تقول؟ تقول بدون تلقين من حزب غضاب. غضاب كيف تقول؟ غضبان المرأة تقول غضبانة هي غضبانة؟ لا كيف تقول؟ غضبة. أحسنت. وما هو الجم كسلان؟ كسالة. كسالة نعم. والمنثى وكسلة. ما معنى لما؟ سيدير pourquoi؟ كلمه ولكن نعم. لماذا؟ نعم سواء. طيب ندخل في الدرس السابع. معنى الأب والأبناء. سأقرأ مكان الأب وأنت تقرأ الباقي. طيب. طيب بسم الله. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ vous allez après le cours au mes fils. ذهبنا إلى الملعب. Nous sommes allés au terrain de jeu. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلاح أو صلة؟ Avez-vous joué au football ou avez-vous joué au basketball? لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. الماضي. نعم. Nous avons joué au football et nous avons joué au basketball la semaine dernière. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ N'avez-vous pas été à la bibliothèque aujourd'hui? بلى ذهبنا. Si, nous avons été. ماذا قرأتم هناك؟ Et qu'avez-vous lu là-bas? قرأنا الصحف. Nous avons lu. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ Avez-vous entendu les informations de la radio aujourd'hui? نعم سمعناها. Oui, nous les avons entendues. من أي إذاعة سمعتم؟ De quelle radio avez-vous entendu? De quelles ondes? سمعنا من ثلاثة إذاعات من ثلاثة لا حرف جر من ثلاث إذاعات نعم من إذاعات لا مضيف من إذاعات أيوة الرياض وإذاعات القاهرة وإذاعات لندن ما في ألف ولا وإذاعات لندن نعم لندن. Nous avons entendu de trois ondes différentes, trois radios différentes, de la radio de Riyad, de la radio du Caire, de Kohera, et la radio de Londres. Naam. Al-Ab yakoul. Samirtum anna Bilal marid wa anna ou fil mustashfa, es-sahihun hadha. Avez-vous entendu que Bilal est malade et qu'il est à l'hôpital? Est-ce que cela est vrai? Naam, hadha sahih. Shafahullah. Oui, cela est vrai. Kalal giris. Amin. Mata dakhala al-mustashfa. Tu dis Amin, quand est-ce qu'il est rentré à l'hôpital? Il est rentré il y a trois jours. طيب الاب يقول ان الكتاب ذو الغلاف الاحمر الذي كان في غرفتي ارايتموه؟ Où est le livre de couverture rouge qui était dans ma chambre? L'avez-vous vu? انا اخذته البارحه فقرات نصفه. Donc Choussouf, il dit, c'est moi qui l'ai pris hier soir et j'ai lu la moitié. J'en ai lu la moitié. Al-Ab, wa ayna al-mujallatu allati kanat tahta dhaka al-kitab. Et où est le magazine qui s'est trouvé sous ce livre? Ahadihi hiya. Donc Bilal dit, est-ce celui-ci? Al-Ab, yakul. Celle-là. Non, on dit un magazine. Pourquoi il a dit hiya là? Parce qu'on a raté majalla. Ah. Mais nous, quand on traduit, on va dire un magazine. Non. الأب لا المجلة ذات غلاف الأصفر. Il dit non. C'est le magazine de couverture jaune. هي عندي أخذتها اليوم. Donc Merwan dit c'est moi qui l'ai, je l'ai prise aujourd'hui ou je l'ai pris aujourd'hui. طيب يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب ويدخل إخواته أخواته. Donc la sonnerie retentit. Marwan se lève et ouvre la porte et ses sœurs rentrent. Ikranta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc elles disent assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou al jami', c'est-à-dire tous les autres. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-ab yakoul. Aina dhahabtunna ya banati. Donc le père dit, où avez-vous été, ô mes filles? ذهبنا لزيارة المديرة. أعيد. ذهبنا نعم. لزيارة نعم. المديرة. Nous sommes allés pour visiter la directrice. الأب يقول أم مشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ Avez-vous été à pied ou avez-vous été en voiture؟ مشينا لأن بين لأن لأن بنتها. لا. لأن بيت بيتها لا بيتها لا بيتها نعم مشينا لأن بيتها قريب من المدرسة من مدرستنا من مدرستنا هو بين المسجد والمدرسة. Donc ils disent nous sommes allés à pied car sa maison est proche de notre école. Elle est entre le masjid et l'école. الأب يقول وجدتنها في البيت. L'avez-vous trouvé dans la maison? نعم وجدناها نعم وجدناها جلسنا عندها ثلاث ساعات وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. Donc ils disent oui, nous l'avons trouvé. Nous sommes assis chez elle 20 minutes. Puis nous sommes sortis de sa maison vers 5 heures. Ara'aytunna al-miknasata ya banat. Yabhathu anha kathiran wa ma wajadtuha. Donc elle dit, avez-vous le balai? Avez-vous vu le balai, mes filles? Je le cherche, ça fait un moment que je le cherche beaucoup, pour dire. Et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai beaucoup cherché, je ne l'ai pas trouvé. أنا وضعتها تحت Sulami. Sulami. Sulami. Hadas Sabah. Non, donc Saad a dit, c'est moi qui l'ai posé en dessous de l'escalier ce matin. Khouz Merwan. Ya Oumi Afi Salajati Ma'un Baridun Nahnu Itash. Merwan dit, Oumi, ou ma mère, y a-t-il dans le réfrigérateur de l'eau froide, nous avons soif. Elle vous t'accoule, Abshir, Fiha Ma'un Baridun. Ou Asir ou Burtukalin. Donc elle dit, genre, je t'annonce la bonne nouvelle. Réjouis-toi, comme on dirait. Il y a de l'eau froide ainsi que du jus d'orange. Taïeb, limon nouveau, Kalimat al-Jadida. Kurat al-Qadem, Marlouf, Kurat c'est ballon, Qadem c'est le pied, donc c'est football. Ou Salla, à la base c'est un panier. Donc, Kura, c'est ballon, et panier, panier, donc c'est basketball. Marlouf. Edan, Suhouf. Qara'na Suhouf. Nous avons lu les journaux. Suhouf, c'est le jambe de Sahifa, qui veut dire, là, dans le texte, le sens voulu, c'est journal. En dessous, Esamirtum, El Akhbar, ibn al-Iza'at al-Yom. Donc, El Akhbar, Akhbar, c'est le jambe Khabar. Khabar, c'est information. Et l'Iza'a, c'est la radio. Les ondes radio, la radio. D'ailleurs, on dit la radio, on dit misière. Et pour dire une radio, genre l'objet en lui-même, la radio, c'est misière. Et l'Iza'a, c'est plutôt les ondes. Taïeb. Le mot Amin et Marlouf, Amin, en fait, c'est un ism fial. C'est un ism qui a le sens d'un verbe en impératif qui veut dire exos, istajib. Quand tu dis Allah, tu fais un droit, tu dis Amin. En fait, tu demandes à Allah qu'il exauce ton dora. Taïeb. En el kitab zul rilaf el ahmar. Ça, zou, on avait pris. C'est-à-dire quoi, zou? Donc là, en fait, quand on dit el kitab zou el rilaf el ahmar, el rilaf, c'est couverture. Donc ce serait le livre de couverture rouge, en fait. C'est traduit comme ça. Youssouf Yakoul, ana akhastuhu. Akhaza, c'est prendre. Taïeb, Akhaza, Yakhuzo, c'est prendre. Donc Akhastou, c'est je l'ai pris. Al-Bariha, Bariha, c'est pour dire hier soir. Taïeb, la nuit dernière. Cependant, Al-Bariha, il s'utilise à un moment précis, c'est après Dhor, de la veille. Par exemple, nous, maintenant, là, on est bientôt à l'Asar. Si on veut parler de hier soir, on va dire Al-Bariha. Mais si on avait parlé avant Dhor, on aurait dit la nuit dernière. On n'aurait pas dit Al-Bariha, on aurait dit Al-Layla al-Mardiya. Donc on dit Al-Bariha après Dhor, de la veille. Et on ne dit pas de façon catégorique Al-Bariha dès qu'on veut dire la nuit dernière. Nisfahu, Nis, c'est la moitié. Marouf. Ensuite, Ranna Yarinu. Comme il y a cool, Yarinu al-Jaras. Ranna, c'est faire sonner, retentir. Jaras, c'est cloche. Vous voyez, Ranna Yarinu, c'est. Par exemple, t'as cool, Yarunul Jawel, c'est le téléphone portable, il sonne. Et Jaros, c'est une cloche à la base. Ziyara, Marlouf, c'est la visite. Taïeb, Zhamna, Ziyarati, Mudira, c'est visite. On peut dire Ayada aussi, souvent tu vas chez le tabib, Ayada. C'est le même sens. Sauf que Ziyara, ça peut être aussi pour un lieu. Par exemple, tu dis tu vas Ziyara tel Meken, alors que Ayada, c'est plus pour le malade. Allah Alam. Al-Ab yakoul, Emashaytunna, Amzahabtunna bisayara. Emashaytunna, ça vient du fil, Masha Yamshi, qui veut dire marcher, avancer, même s'en aller. Et là, le sens voulu, c'est marcher à pied. Masha Yamshi, c'est marcher. Et plus précisément, marcher à pied. Parce que je peux dire aussi Machina Bisayara. Nous sommes allés en voiture. Mais quand tu viens tout seul, comme ça, le sens d'origine, c'est marcher à pied. Non. L'ab yakoul, Ewajetunnaha. Donc c'est le verbe là, c'est Wajada, ça veut dire trouver. C'est-à-dire Wajada, Yajidou, c'est trouver. En Ensuite, les bénètes disent Nam, Bojennaha, Jalasna, Indaha, Soulous, Sa'atin. Soulous, c'est un tiers. Taïb, c'est un tiers à la base. Donc, un tiers d'heure, c'est quoi? C'est 20 minutes. Donc, Soulous, ça veut dire 20 minutes dans une heure. Une heure de chose, c'est un tiers. Mais on ne dit pas un tiers d'heure, donc on va dire 20 minutes. Ensuite, Al-Um Takoul, Ara'aytunna le Miknasa, Ya Benati. Miknasa, c'est balai. Miknasa, c'est un balai. Kanasa ou Kanisu, c'est balayé. Miknasa, c'est le balai. Tahastu anha. Tahasa an, ça veut dire chercher quelque chose. Tahasa, c'est le fier lui-même, et après tu viens avec an. Tu vois, harfu jar. Vous voyez, an. Suma sura takul anna wadortuha. Wadora, c'est posé. Wadora, c'est posé. Wadora yadoru. C'est aussi accouché pour une femme. Tu dis, mara wadorat, elle a accouché aussi. Sullem, c'est escalier. Vous voyez, sullem, c'est escalier. Et toujours dans la même phrase. As-sabah, c'est le matin. Celui-là, ça veut pas dire échelle aussi, non? On peut l'employer pour échelle aussi. Escabeau, échelle. Et c'est aussi escalier, non. As-sabah, c'est le matin. Merwan Yakoul. Là, il n'y a rien de nouveau. Et celle-là, on a pris une kitab awel, c'est réfrigérateur. Abshir, ça c'est un verbe qui veut dire réjouis-toi. Et rejetez-vous du paradis qui vous était promis. Ou promis. Donc, Abshir, quand quelqu'un te pose une question et toi, tu peux lui apporter ce qu'il veut, tu dis Abshir. Réjouis-toi, Inch'Allah, je vais le faire. Asir, c'est du jus. Burtokol, c'est orange. Vous voyez, Asir, c'est du jus. Burtokol, c'est orange. Fikalimat okhra ? Non. Tous les autres, on les connaît. Awalan yakul ajib an asil al-atiya. Donc je suis le 1 et le 2 et le 3. Attention le 3. Et ouais, donc on disait les 3, Inch'Allah, mais tarak bidars. On fait attention les questions 3. Elles n'ont pas de lien avec le texte. Tarak bidars, c'est tarak bidamir. Tarak bidars, c'est tarak bidamir, muttasila bi al-fi'l. C'est le. Ça va se lier au quoi? Au damir qui est attaché au verbe qui sont des fa'il. Donc il n'y a rien de nouveau là, Inch'Allah. À part quelques peut-être de petites masa'il. Sinon, le fond du dar sont les mêmes. Inch'Allah, on l'a déjà pris. Enfin, c'est un amchi. Bah, tu vois là, un amchi, c'est pas en marche à pied. C'est... On avance. Rabi'an, yakul, anis el fa'il fi kouli min jumel atiya. Donc il dit, rend féminin, mais au féminin, les sujets des verbes dans chaque phrase suivante. Donc là, c'est que le mukhatab el jam. Mouhatab al-Jam, le pluriel de l'interlocuteur. Par exemple, il dit Echaletum el-Karwata ya Ikhwan. Avez-vous bu le café au Ikhwan? Donc, ce féminin, c'est quoi? Echaletunna el-Karwata ya Akhawat. Donc, avez-vous bu le café aux mes sœurs, aux les sœurs? Donc, là, chaque phrase, Inch'Allah, tu mets Domir, féminin. Taïeb. Jumal Oula, Akoratum hadil majallata ya Rijalu. Avez-vous lu ce magazine aux les hommes. Aqara'tunna hadhihi al-majalata ya nisaa. Naam. Afahimtum ad-darsa al-jadida ya abna'i. Avez-vous compris le nouveau cours aux mes fils? Afahimtunna ad-darsa al-jadida? Al-jadida. Al-jadida ya binti ya banati. Naam. Rabi'an, mata kharajtum min madrasati ya awladu. Donc quand est-ce que vous êtes sortis de l'école au les enfants. Mata kharajtunna min al-madrasati ya banat. At-tanbih donne walad. Souvent on l'emploie pour le garçon, en fait walad c'est l'enfant. Ça peut être la fille comme le garçon. Vous voyez, ça peut être la fille comme le garçon. Quand on dit la ka awlad, c'est des enfants en fait. Mais c'est vrai que souvent aujourd'hui il est employé pour dire le garçon en lui-même. Khamisan, asami'tum al-adhan ya ikhwan. Avez-vous entendu l'adhan ou les frères? Asami'tum al-adhan يا أخوات نعم أرأيتم المدرسة الجديدة يا إخوان Avez-vous le nouveau? Avez-vous vu le nouvel enseignant ou les frères? C'est dommage, on a déjà appris, alhamdoulilah. Khamisan, amam kul jumlatin mifafi mayali, siratan lil fi'al. Ikhtar, sirat al sahihata wa akmil biha al jumla. Donc, devant chaque phrase, nous avons deux versions différentes de phrases. Vous voyez, pour plutôt du verbe. Donc, il dit choisis la bonne version et complète la phrase. La salen, regarde, entre parenthèses, on a deux verbes différents. Toi, tu mets dans le trou, dans la phrase, la version qui correspond. Avez-vous lu ou récité du Coran aujourd'hui, ô mes fils? Ya ikhwani. Naam. Quand est-ce que vous êtes revenu de Mecca, ô mes frères? Thalifan. Regarde bien le damir, c'est quoi? Arasaltunna wajhikunna wujuhikunna wujuhakunna bisabouni. Naam. Avez-vous lavé au visage, c'est-à-dire aux femmes, parce que les kunna, avec du savon? Sabon, c'est savon. Rabi'an. Min ay ida'atin sami'tun al-akhbar ya banati. Naam. De quelle radio avez-vous entendu les informations, ô mes filles? Khamisan. Min ay bab dakhaltum al-masjidi. دخلتم المسجد المسجدو لا المسجد نعم يا إخواني نعم par quelle porte êtes-vous entré dans le masjid ô mes frères سادسا لما فتحتن النوافذ يا بناتي نعم pourquoi avez-vous ouvert les fenêtres ô mes filles on a assez طيب maintenant on va prendre un nouveau verbe. Ça s'appelle kana. Et kana, en fait, c'est le verbe être. Vous voyez, la kana, c'est au passé. Kana, c'est au verbe être. Et, comment dire, yani, kana, c'est un verbe, il n'a pas de fa'il. À la base, il a un ism. Comme inna, comme leysa, comme ka'anna. Par exemple, tu dis kana. Al-mudarrisu qa'iman. Donc kana, c'est un fi'l madi. Al-mudarrisu, on ne va pas l'appeler fa'il. On va l'appeler ism kana. Vous voyez, ism kana. Et qa'iman, ça va être quoi? Khabar kana. Vous voyez, khabar kana. Bien que la forme, c'est comme si on avait un fa'il, un maful, lakin, dans le nahu, il a une autre nomination. C'est ism kana. Et il est marfou. Comme le fa'il, il y a son fa'il, et son khabar, c'est khabar kana, il est mansoub comme le maf'oul bi. Donc, comme on a dit, ça veut dire, en fait, c'est souvent, on l'utilise pour le verbe être. On peut l'employer pour d'autres choses, mais l'origine, c'est que c'est le verbe être. Yakul, sa'adisan, ta'ammel al-amsila, smatril kana, al-jumal a'atiya. Al-mudarrisu, fil-fasl. Donc comme tu vois kana, ça fait aussi exactement comme inna ou laïsa, et rendant les jumelles ismiya, celle qui est un mutada et un khabar à la base. Et le mutada devient quoi? Il devient ism kana, et le khabar devient khabar kana. Sauf que le khabar kana, il devient mansoub. Comme tu vois là, yakul, el mudar risu fil fasl. L'enseignant est dans la classe. Donc si on met kana, ça va faire comment? Kana, el mudar risu fil fasli qabl khamz daqa'iq. Donc l'enseignant était dans la classe, il y a 5 minutes. Vous voyez? Sa'adisan. At-tullabu fil maktabati. Les élèves sont dans la bibliothèque. Ta'koul. Kana الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. Donc les étudiants étaient dans la bibliothèque il y a une demi-heure. Thalithan, Ummi fil madbar. Ma mère est dans la cuisine. Et bien sûr, dans les trois phrases qu'on vient de prendre là, le premier c'est Moutada, et ce qui vient après c'est Khabar. On n'a pas besoin de répéter, tu vois, comme c'est déjà assimilé, alhamdoulilah. Donc après on dit, avec Kana, Kanat, taïeb, Ummi fil madbari qabl qalil. Donc ma mère était dans la cuisine il y a peu de temps. Voyez. Et là, pourquoi on a mis tête à Anis? Parce que le ism kana est mouannas. Et en fait, il prend les mêmes règles que le verbe. Tu veux dire kana, tu veux dire kuntu, kunta, kunti, kanu, ainsi de suite. Voyez. Là, ça va venir après ça. Voyez. Là, donc maintenant, il veut que tu rentres kana dans les phrases qui suivent. Al mudiru fi ghulfati. Kana al mudiru fi ghulfatihi qabla sa'ati. Non. Donc le premier, c'est le directeur est dans sa chambre. Donc après, on va dire, le directeur était dans sa chambre il y a une heure. Thanian, al-waziru fi London. Le ministre est à Londres. Kan al-waziru fi London. Fi London. Fi Londona. Fi Londona. Qabla usbu'i. Non, donc le ministre était à Londres il y a une semaine. Akhi fi Mekka. Mon frère est à Mekka. Kan akhi fi Mekka. Mon frère était à Mekka il y a 4 jours. Rabian, el atibba'u fil mustashfa. Les médecins sont dans l'hôpital. Kanu al atib. Là. Tu restes ou il reste Mufrad. Comme tous les autres. Ah. N'oublie pas, on ne peut pas mettre waouh après le taïeb. Pour l'instant, on ne peut pas. Kanu al atibba'u fil mustashfa qabla. Thuluthi. Non, donc les médecins étaient dans l'hôpital il y a 20 minutes. Atta li batu fil maktabati. Les étudiantes sont dans la bibliothèque. Kanat al-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Non. Donc les étudiantes étaient dans la bibliothèque il y a peu de temps. Sabian. تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى. Donc là maintenant, ça, quoi, ça concerne l'imla, l'orthographe, comment s'écrivent les mots qui de temps en temps peuvent changer de harakat par rapport à leur situation. Par exemple, là, on va avoir la rencontre de deux lettres ساكن, التقاء ساكنين. Comme on avait pris par exemple avec le تأنيث et الألف واللام. Tu vas dire خرجت البنت بدل الفصل. À la base, c'est خرجت البنت. Et quand on fait la liaison, on dit خرجت البنت. Et là, la kasra qu'on a mis, pour pas que le T, il se rencontre avec quoi? Le Hamza qui vient après. Ou le Lam qui est après, parce que ça fait quoi? Une rencontre de deux lettres? Sakina. Ben là, c'est pareil. Maintenant, c'est une autre rencontre, c'est entre le Mim, voyez, un Mim, et un Alif Lam qui vient en arrière. Comment tu vas dire? Il dit par exemple, أقرأتم هذا الكتاب. Avez-vous lu ce livre? Là, il n'y a rien. Là, maintenant, on va mettre avec Alif Lam. Si tu t'arrêtes, tu vas dire أقرأتم القرآن. Avez-vous lu le Coran? Et si jamais tu lis, tu enchaînes, tu dis أقرأتم القرآن. Tu mets une domme à Salamim. Voyez? Pour pas qu'il y ait tika sakinay. Quand tu lis. Voyez? Quand tu fais la liaison entre les deux mots. Mais si tu t'arrêtes, tu dis rien. ثانياً أرأيتم حامداً. Avez-vous vu Hamid? Donc là, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'alif ou lam devant. Ensuite, tu dis, Ara'aytum al-mudarrisa, avez-vous vu l'enseignant? Donc dans la liaison, tu vas dire, Ara'aytum al-mudarrisa. Vous voyez, en mettant une domma. Thalithan, alakum adal kitab, est-ce que ce livre est à vous? Ou adal bayt afwan, est-ce que cette maison est à vous? Alakum al-bayt. Amta? Non. Alakum el Beit. Donc la maison est à vous. Donc en liaison, la liaison, on va dire Alakumul Beitu. Alakumul Beitu. Rabian, Kharajat Amina. Amina est sortie. Donc là, on vient à la première lettre qu'on avait prise dans le kitab Awel. T'as cool. Kharajat el Bint. La fille est sortie. Kharajat il Bintu. T'as vu avec la kasra. Maintenant, quand, à quel moment également on peut mettre le kasra avec le noun. Comme tu vas le voir maintenant. Yakul, man, aval walad. Qui est cet enfant? Donc là, il n'y a rien. Man, al walad, sans liaison. Et si jamais tu fais la liaison, tu vas dire man il walad. Tu vas mettre une kasra. Vous voyez? Tu vas mettre une kasra. Et ça, c'est des choses, inch'Allah, qui vont te revenir dans les doulous de Imla. Donc après, tu as fait un récapitulatif en dessous. Donc maintenant, tu vas lire toutes les phrases qui sont en dessous en lisant bien avec les harakat. Et tu fais la liaison. Vous voyez, tu fais la liaison entre elles. Awalen. Akultum ul maouz. La. Akaltum. Akaltum ul maouz. Naam. Vous avez mangé la banane. Fanyen. Lestum fil fasli. Naam, vous êtes assis dans la classe. Thalifan. Dakhaltum ul masjidi. La. C'est pas dit. Dakhaltum ul masjidun. Là. Le masjida. Non, là il est considéré comme un folbi. Elle vous rentrez dans le masjid. Rabian. Fahamtumul darsa. Non, vous avez compris le cours. Khamisan. Fahamtum darsul. Fahamtum darsul. Darsul fiqhi. Darsul fiqhi. Darsul fiqhi. Ma folbi, darsul. Vous avez compris le cours de fiqh. Sadisan. Sami'tumul adana. Naam, vous avez entendu l'adhan. Sabian. Mada akaltum. Qu'avez-vous mangé? Thaminan. Akala, c'est mangé, on l'a pris déjà. Alakum hadhihi siyarati. Hadhihi siyarata. Hadhihi siyaratun. Tout. Est-ce que cette voiture est à vous? Là, il est quoi? Il est badal de hadi, hadi, il est mutadam mu'akhar. Et lakum, il est khabar mukaddam. Tasian. Alakumul kitaba. Alakumul kitabu. Aïe, on a mutada khabar. Est-ce que ce livre, ou le livre est-il à vous? Ashiran. Man hada rajulu. Hada rajulu. Naam, qui est cet homme? Hadi Achar. Maktoub. Manil Fata. Non, qui est le jeune garçon? Sani Achar. Ntabi. Katabatil Talibata. Talibatu Darsa. Non. L'étudiante a écrit le cours. Salis Achar. أين المديرة؟ خرجت الآن. نعم. وي. La directrice vient de sortir. طيب. ثامنا. Là, c'est pareil. On l'avait déjà pris. C'était le damir qui est متصل. طيب. Au fir, ça moi, c'est pas متصل. C'est pas un fa'il. Ça m'a faut le bi. طيب. Ça m'a faut le bi. تأمل ما يلي. Mais dites ce qui suit. Mathalan dit daraba, le fil daraba, zaïd, c'est-à-dire plus, ou, tu vas dire darabahu. Et le hu, il va être quoi? On avait dit mafoulun bi. Daraba, zaïd, ou darabat, afouin, darabat, ayhia, darabat, zaïd hu, kif takoul, darabat hu. Yib, elle l'a frappé. Darabta Zaid ou Darabtahu. Darabti Zaid ou Darabtihi, tu vas dire là. Attention. Je ne sais pas si c'est interdit de dire Darabtihu. Vous voyez? Mais en tout cas, ce qui est connu chez les gens, c'est Darabtihi. Darabtu Zaid ou Darabtuhu. Je l'ai frappé. Et maintenant. Avec Darabtum, Zaid ou tu vas dire Darabtu Mouhou. On rajoute un waou maintenant. Ce waou s'appelle waou al-Ijbar. Waou al-Ijbar. Il vient pourquoi? Pour faire la liaison entre le mim et le ré. Parce que tu peux dire Darabtu Mouhou. Ça ne se dit pas. Donc ce waou est devenu pour combler le manche Et donc ça s'appelle Wawa Jiva. À la base, c'est quoi quelqu'un qui est Shaban, quelqu'un qui est rassasié. Tu vois, Jiva, ça vient de la même chose. Shin Ba'in. Tu dis. Darabtumuhu. Et ce wow, ça m'a wow, elle, ijba. À la base, là, il y a un creux, il est venu pour le combler. Et dès que tu vois un fir à Mottasil avec le damir, ça donne tum, et qu'après il y a le hu qui vient, tu mets le wow. Ra'aytumuhu. Katabtumuhu. Ainsi de suite. Là, il va te sortir d'autres exemples. Il dit, مثلاً, Aina at-talibu al-jadidu. Où est le nouvel étudiant? Ara'aytumuhu. L'avez-vous vu? Attention, ce waouh, c'est pas waouh jama'a. Taïb? Faut pas oublier, c'est un harf. Là, il est juste venu pourquoi? Pour faire le lien entre le mim et le ha. C'est tout. Mais là, dans la question, quand même, il s'adresse à plusieurs personnes. Aïe, watum, antum. Le damir, là, le fait arrive, c'est qui? Ra'aytum. Antum. Taïeb. De toute façon, il vient qu'après le mime. Il n'y a pas qu'après le jamaa, tu ne vas pas le trouver. Aina el hayatu. Où est le serpent? Ra'aytumuha. Taïeb. Aïe, wafan. Qataltumuha. L'avez-vous tué? Thalithan. Hada dersun sahlun. Afahamtumuhu. C'est un cours facile. L'avez-vous compris? Rabihan. Aina al-mudarrisuna. Où sont les enseignants? Ra'aytumuhum. Les avez-vous vus? Vous voyez? Donc le waouh, comme tu as vu, il vient qu'après le mime. Parce que le mime, à la base, c'est sakina. Il vient qu'on ikra jumal atiya ma dhamayr al-maskurati amamaha. Donc, ra'aytum zaydhum. Kif takul? Ra'aytumuhum. Naam. Fahimtum Zaid Ha. Kif takul? Fahimtumuha. Naam. Rasalti Zaid Hu. Kif takul? Rasaltihi. Naam. Rasaltihi. Wajadtu Zaid Hu. Kif takul? Wajadtuhu. Naam. Je l'ai trouvé. Wajadam, mais il se dit où l'a trouvé. Koteltum Zaid Ha. Kif takul? Koteltumuha. Naam. Sadisan, Samirtum, Zaid, Hu. Samirtumuhu. Nam, Samirtumuhu. Taïb, Tassian. Atril, Alifulem, et Ta'alif, Al-Kalimat, Il-Ati, Tartaha, Khotun, Andal-Luzum. Donc là, il faut que tu mettes Alifulem dans les mots qui ont un trait en dessous, mais je ne vois pas. Je n'en vois pas. Ils disent la tita ta khot, il n'y a pas de mot qu'on va trouver en dessous. Peut-être que, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Donc, en tout cas, ce que tu vas faire, chaque phrase, tu vas la réécrire en mettant les phonèmes, en fait. Mathalan, ikra misalayn atiyayn. Lis les deux exemples suivants. Indi, kitabu, ou kitabun, zu, ghilafin, ahmara. Donc, j'ai un livre, vous voyez, de couverture. Rouge. Ben lui, il faut que tu fasses quoi? Eina el kitabu zu el ghilafi el ahmari. Maintenant, regarde. Kitab, il est devenu ma'rifa. Donc, tout ce qui vient derrière va être ma'rifa pareil. Zu el ghilafi el ahmari. T'as pourquoi on n'a pas dit l'ahmara? Ahmar, c'est magnum nasar. À la wazn afhaïl. Elle est. Non. C'est pour une deuxième raison. C'est parce qu'il y a l'ifollem. On a dit que les deux cas où le ismam nom al sarf il prend le kasra, c'est s'il est moudof, pas moudof il est, moudof, ou si jamais il a un l'ifollem. Là il prendra le kasra s'il est majroor. Ça y est, ça c'est les deux exceptions. Donc toi maintenant tu peux faire ces phrases à la maison, Inch'Allah. Et en fait tu réécris pas compris. Par exemple, il dit l'iman zakel beitu zu babin ahdara. Maintenant, tu vas écrire l'iman zakel beitu zu al babil ahdari. Tu rajoutes les fois l'em au mudof de zu et au sifa qui est après, au nard qui est après le mudof ilay. Je pense que c'est ça qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de mot avec un trait en dessous. Lui, il dit quoi ? Avec les mains, il n'y en a pas. Il n'a pas mis les traits. Donc tu fais comme ça, toi ? Non. Chaque phrase, en fait, tu remettras ce qui est Mnakirosh ou Mnomalifa. Voyez. Ashiran, Ikron Amsirata, Sumakawin Jumaran, Mislaha. Mustamilan el kalimat il lati beina kosein. Donc il dit, lis les exemples, et ensuite constitue des phrases de même des phrases qui se constituent pareil que celles qui sont les trois premières là, que tu vois, la 1, la 2, la 3, et tu dois utiliser des mots qui sont entre parenthèses. Masal Nyakul Akura tel kodami, la ibtum, am kurate. صلى ثانيا أم محمدا رأيت أم حامدا ثالثا دي أكتاب الفقه أخذتي أم كتاب السيرة السيرة سي البيوغرافي وقعد قد دي كرة القدم لعبتم وقعد كرة كما إليه لمنصوب كرة القدم لعبتم. En fait, là, ça m'a fait le bi, muqaddam, qu'on a mis avant le fial. Voyez ? Donc, il faut que tu fasses comme ces trois phrases-là, avec les phrases suivantes et les mots qui sont entre parenthèses. La salène, jumel oula, montre-moi pour voir si tu as cerné. Là, tu dois commencer par en premier ma faute bi, après le fial, et après tu mets le troisième après m. عباسي عباسة مفروض بيه لا عباسا نعم أي عباسا ضربت أم محمدا محمودا أيوة تشبه كم سالي زي الفخاز أيب تشبه بايس زي الفخاز عصير البرتقالي شربت شربت أم عصير العنب Donc est-ce le jus d'orange que tu as bu ou le jus de raisin ثالثا السيارة المدير رأيتم أم سيارة المدرس مدرسة لا مدرسة مدرسة Est-ce la voiture du directeur que vous avez vue ou celle ou la voiture du professeur رابعا هذه المجلة قرأتن Non. Est-ce le magazine que vous avez lu, c'est-à-dire vous les femmes, ou celui-ci? Khamisan? Al-miftah al-bayti akhadta Non. Am-miftah al-siyarati Non. Est-ce la clé de la maison que tu as pris, ou la clé de la voiture? Akhaza, on a dit quoi? Akhaza, c'est-à-dire prendre. Donc akhasta, c'est tu as pris, toi. Tayyib, mais c'est zahabta. Tayyib. Hadi Achar dit Ta'allam il kalimat al-atiya. Donc, on regarde les mots suivants. C'est des mots de mesure. Vous voyez, je ne sais plus comment on dit en français là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Nis, c'est la moitié. Soulous, c'est le tiers. Ça vient de Salafa. Rub, c'est le quart. Ça vient de Arba. Khums, ça vient de. C'est le cinquième. Ça vient de Khamsa. Soudos, ça vient de Sitta, c'est le sixième. Soubroun, ça vient de Sabra, c'est le septième. Soumnoun, ça vient de Samania, c'est le huitième. Un huitième, quoi, en fait. Tu vois pas, le huitième, c'est quoi? C'est le Thamin. Et là, c'est un huitième, en fait. Un huitième. Tousroun, ça vient de Tisra, c'est un neuvième. Ou Rushroun, ça vient de Ashara, c'est-à-dire un dixième. Et tu les trouves beaucoup dans Surat al-Nisa, Filbidaya. في أحكام الورائث. Et dans le Coran, il y a un frère qui m'a fait le tambi, qui m'a dit qu'en vrai, dans le... que ces mots-là, point de vue adil, ce n'est venu que jusqu'à Soudous. Non, Thumun Ben. Mais Tous'un ou Arushlun, il n'y a pas eu de dalil sur eux. Mais bon, Al-Qiyas, comme ils ressemblent aux autres, les gens les ont classés avec eux. Donc, comment tu veux dire un tiers ? Tu veux dire Soudous. Comment tu veux dire un cinquième, Khums. Comment tu veux dire un sixième, Sodos, ainsi de suite. Naam. Fani Achar. Kowin Jumalen Mustarmilen El Kenemat Il Atiya. Donc il veut que tu fasses des phrases en utilisant les mots suivants. Voilà, Kazalik Sakun Filbeit. Enekdakhala, Marlouf, c'est rentrer. Bahafa'en, on avait dit c'est quoi ? Chercher. El Usbur Ul Mardi, c'est la semaine dernière. Al-Bariha, c'est la nuit dernière, seulement à partir de Zor. Vous voyez, après Zor, on dit ça. Ziyaratun, c'est visite. Zou, on a dit, c'est un moudof qui va venir pour dire appartenir, avoir quelque chose. Nis, c'est la moitié. T'as même ? Donc chacun, tu mets, si t'arrives à faire une seule phrase, tu mets tout dedans, mashallah. Sinon, fais comme tu peux. Vous voyez, Al-Kalimat ou Al-Jadida. Miknasa. جم مكانس سان بالي نظارة جم نظارات سي للونات للونات صورة جم صور سي نيماج صابون سي لو صابون عصير سي لو جو كرة القدم سي لو فوتبول مشاء سي ان فيرب ان فيرب ماضي كي veut dire marcher avancer. Wajada, pareil. Wajada, c'est un film mardi qui veut dire trouver. Kouratul Qadem, ça peut leur dire ballon de foot aussi. Ouais. Ça veut dire quoi ? Vas-y. Football, ballon de foot aussi, non ? Ouais, c'est en fait une balle qui se joue au pied, quoi. Souvent, quand on dit Kouratul Qadem, c'est pour dire le football en général, tu vois. La balle du pied, quoi. Non. Et Koura, tout seul, c'est le ballon. Sulem, Jem Salalim, c'est escalier ou échelle, ainsi de suite. Ajalatun, Jem c'est Ajal, c'est roue. C'est-à-dire une roue. Iza'atun, Jem, Iza'at, c'est radio. Mais plutôt les ondes, tu vois. Pas l'objet. L'objet c'est misère, comme on l'a dit. Al-Bariha, c'est la nuit dernière, après Dhor. On cite, on dit, on emploie le mot Al-Bariha après Dhor. Burtukarun, c'est une orange. Et c'est aussi la couleur orange. Pareil. Kuratul Salla, vous voyez, c'est le ballon du panier, donc basketball. Akhaza, akhaza, c'est un verbe, vous voyez, au passé, fi'l madi, qui veut dire prendre. Bahatha'an, on a dit, c'est un fi'l madi qui veut dire trouver. Trouver ou chercher ? Moi, je cherchais, après que c'est où, je t'ai trouvé. Non, ma femme. Cherchez. Minara, jam, manair, c'est minare. Lihyatun, el jam, c'est. Ils ont mis louhi, moi je connais louha. C'est la barbe. Lihyatun, c'est la barbe. Il doit y avoir plusieurs pluriels. Alin, c'est le mouanès de alia, qui veut dire élevé. Non. Moulawwanun, ça veut dire coloré. Moulawwanun. Sabahun, c'est le matin. Nisfun, c'est la moitié. Et on t'a déjà dit nous. En vrai, c'est nisf. Et wadaa, c'est posé. C'est un film mardi qui veut dire posé. Et j'avais regardé aussi quand je t'avais dit par rapport à Naamous, comme tu avais écrit. Hein. C'est bien avec le demed, avec le alif et ensuite le waouh. Namus. Il y a un tambi aussi par rapport à kana. Kana, quand on parle d'Allah, ça n'a pas le même sens. Par exemple, tu dis Inna Allah kana aliman hakima. C'est pas Allah, il était savant et sage. Il a toujours été, il le sera toujours. C'est un autre sens, on l'emploie, ça c'est pour les créatures. Mais fi hakillah, les samarana fi le mandi, c'est moi l'en Vous voyez, ça, ça, sur Allah, ça ne s'entend pas de la même façon. Faire attention. Par contre, des chebouettes, des moutadias, qui jouent avec la langue arabe pour tromper les gens. Ça, Inch'Allah, tu verras ça dans quoi? Dans. Dans quel kutub? Wasatiya, Mesadan, Tahawiya, Moral Zalika. Dans le fond de Dars? Non. D'ailleurs. Faïla Huna. والحمد لله رب العالمين